Leçon 2. La chute. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Genèse 3 au verset 15. Parmi tout ce que Dieu a donné à nos premiers parents en Éden, arriva aussi un avertissement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2 au verset 16 et 17. Cet avertissement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous montre que tout en connaissant le bien, il ne devait pas pour autant connaître le mal. Et naturellement, nous comprenons pourquoi, n'est-ce pas? De même, la menace de mort attachée à l'avertissement concernant la désobéissance s'accomplirait. Ils mourraient. Non seulement ils n'avaient plus le droit de manger de l'arbre, mais ils furent également chassés du jardin. Genèse 3, verset 24. Cependant, dans toute cette tragédie, l'espoir apparaît, comme on le lit dans Genèse 3, au verset 15. Verset appelé « proto-évangile », c'est-à-dire « première promesse de l'évangile ». Oui, ce verset présente la première promesse de l'évangile que l'on trouve dans la Bible, la première fois où les humains entendent que malgré la chute, Dieu a prévu une porte de sortie pour nous tous. Dimanche 3 avril, le serpent. Lisez Genèse 3 au verset 1 et 2, 2 Corinthiens 11 au verset 3 et Apocalypse 12 au verset 7 à 9. Qui est le serpent et de quelle manière arrive-t-il à tromper Ève? Le texte commence par le serpent. La syntaxe indique une emphase. Le mot « serpent » est le premier mot de la phrase. De plus, le serpent a un article défini, ce qui indique qu'il s'agit d'un personnage bien connu, comme si le lecteur devait déjà savoir qui il est. La réalité de cet être est ainsi affirmée dès le premier mot du chapitre. Bien sûr, les Écritures identifient le serpent comme l'ennemi de Dieu, dans Ésaïe 27 au verset 1, et l'appellent explicitement le diable et le serpent, selon Apocalypse 12 au verset 9. De la même manière, dans le Proche-Orient ancien, le serpent incarnait la puissance du mal. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. Ellen White, dans Patriarches et Prophètes, page 31. Quand elle parle du diable, quelle que soit la forme qu'il prenne, la Bible ne parle pas seulement par métaphore. Dans la Bible, Satan est décrit comme un être littéral et non comme un symbole rhétorique ou un principe abstrait pour décrire le mal ou le côté sombre de l'humanité. Le serpent ne se présente pas comme un ennemi de Dieu. Au contraire, il se réfère aux paroles de Dieu qu'il répète et semble soutenir. C'est-à-dire que dès le départ, nous voyons que Satan aime citer Dieu et, comme nous le verrons plus tard, il cite même la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 6. Remarquez également que le serpent ne discute pas immédiatement avec la femme. Il pose une question qui implique qu'il croit en ce que Dieu leur a dit. Après tout, il demande « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse 3 au verset 1. Ainsi, même dès le départ, nous voyons combien cet être était rusé et fourbe. Et comme nous le verrons, son approche fonctionna bien. Si Satan a pu tromper une Ève sans péché en Éden, ne sommes-nous pas beaucoup plus vulnérables? Quelle est notre meilleure défense contre ces tromperies? Lundi 4 avril, le fruit défendu. Lisez Genèse 2 au verset 16 et 17 et Genèse 3 au verset 1 à 6, voire Jean 8 au verset 44. Comparez les paroles du commandement que Dieu avait donné à Adam et les paroles du serpent à la femme. Quelles sont les différences entre les discours et que signifient ces différences? Remarquez entre la conversation entre Dieu et Adam et la conversation entre Adam et le serpent. C'est comme si le serpent avait remplacé Dieu et savait mieux que lui. Au départ, Il se contente de poser une question qui sous-entend que la femme avait peut-être mal compris. Mais ensuite, Satan remet en question les intentions de Dieu, allant même jusqu'à le contredire. L'attaque de Satan concerne deux questions, la mort et la connaissance du bien et du mal. Tandis que Dieu avait déclaré clairement avec insistance que leur mort serait certaine, voir Genèse 2, verset 17, Satan déclare, au contraire, ils ne mourraient pas, insinuant pratiquement que les humains étaient immortels. Genèse 3, verset 4. Tandis que Dieu avait dit à Adam de manger du fruit, Genèse 2, verset 17, Satan les encouragea à en manger parce qu'en mangeant, ils seraient comme Dieu. Genèse 3, verset 5. Les deux arguments de Satan, devenir immortel et être comme Dieu, convainquirent Ève de manger ce fruit. Il est troublant de constater que dès que la femme décida de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu, elle se comporta comme si Dieu n'était plus présent et elle avait pris sa place. Le texte biblique fait allusion à ce changement de personnalité. Ève utilise le langage de Dieu. L'évaluation qu'Ève fait du fruit défendu vit qu'il était bon, Genèse 3 au verset 6, rappelle l'évaluation que Dieu avait faite de sa création. Dieu vit que c'était bon, Genèse 1 verset 4, ainsi de suite. Ces deux tentations, celle d'être immortel et d'être comme Dieu, sont à la racine de l'idée d'immortalité dans les religions de l'Égypte et de la Grèce antique. Le désir d'immortalité que ces deux peuples considéraient comme un attribut divin les obligeait à rechercher eux aussi un statut divin afin, espéraient-ils, d'acquérir l'immortalité. Subrepticement, cette manière de penser a infiltré la culture judéo-chrétienne et a donné naissance à la croyance et en l'immortalité de l'âme qui existe encore aujourd'hui dans de nombreuses églises. Pensez à toutes les croyances qui enseignent qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement immortel en nous. En quoi cette compréhension de la nature humaine et de l'état des morts nous assure-t-elle une protection puissante contre cette dangereuse tromperie ? Mardi 5 avril, se cacher de Dieu. Lisez Genèse 3 au verset 7 à 13. Pourquoi Adam et Ève ont-ils ressenti le besoin de se cacher pour que Dieu ne les voie pas ? Pourquoi Dieu a-t-il demandé « Où es-tu ?» Comment Adam et Ève ont-ils cherché à justifier leur comportement ? Après avoir péché, Adam et Ève se sont sentis nus parce qu'ils avaient perdu leurs vêtements de gloire qui reflétaient la présence de Dieu. Voir Psaume 8 au verset 5, Psaume 104 au verset 1 et 2. L'image de Dieu avait été affectée par le péché. Le verbe « faire » dans l'expression « ils se firent des vêtements » selon Genèse 3 au verset 7 ne s'était jusque-là appliqué qu'à Dieu, le Créateur. Genèse 1 verset 7, 16 et 25. C'est comme s'ils avaient remplacé le Créateur pendant qu'ils tentaient de couvrir leur péché, un acte que Paul dénonce comme étant la justice par les œuvres, voir Galates 2 au verset 16. Quand Dieu s'approche, il leur pose la question rhétorique « Où es-tu ?» Genèse 3 au verset 9. Le même genre de question que Dieu posera par la suite à Caïn, Genèse 4 au verset 9. Bien sûr, Dieu connaissait la réponse à ces questions. Elle servait en réalité au bénéfice des coupables pour les aider à prendre conscience de ce qu'ils avaient fait et en même temps à les conduire à la repentance et au salut. À partir du moment où les humains ont péché, le Seigneur travaillait pour leur salut et leur rédemption. En fait, tout le scénario reflète l'idée du jugement investigatif qui commence avec le juge qui interroge le coupable, Genèse 3 au verset 9, afin de le préparer au verdict, Genèse 3 au verset 14 à 19. Mais il le fait également pour le pousser à la repentance qui conduira en définitive au salut, Genèse 3 au verset 15. C'est un thème que l'on voit tout au long de la Bible. Au début, chose fréquente chez les pécheurs, Adam et Ève tentent tous deux d'esquiver l'accusation en cherchant à accuser quelqu'un d'autre. À la question de Dieu, Adam répond que c'est la femme que Dieu lui a donnée, Genèse 3, verset 12, c'est elle qui l'a poussé à le faire. C'est sa faute à elle. Sous-entendu, c'était aussi la faute de Dieu, pas la sienne. Ève répond que c'est le serpent qui l'a trompée. En hébreu, le verbe « nasha », tromper, signifie aussi donner de faux espoirs et faire croire aux gens qu'ils font ce qu'il faut. 2 Rois 19 au verset 10, Ésaïe 37 verset 10, Jérémie 49 au verset 16. Satan accuse la femme, disant qu'elle lui a donné le fruit, il y a du frais là-dedans. Et Ève accuse le serpent en disant qu'il l'a trompée. À nouveau, il y a du vrai là-dedans. Mais en définitive, ils sont tous deux coupables. Essayer d'accuser quelqu'un d'autre pour ce qu'ils ont fait, pourquoi tombons-nous si facilement dans ce même piège? Mercredi 6 avril. Le sort du serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Que dit le Seigneur au serpent ici? Et quelle espérance est sous-entendue dans ces versets? Dieu commence son jugement par le serpent, car c'est lui qui a initié toute cette tragédie. Le serpent est également le seul être qui est maudit dans ce récit. Nous atteignons ici un genre d'inversion de la création. Tandis que la création menait à la vie, l'appréciation du bien et aux bénédictions, le jugement a conduit à la mort et au mal et aux malédictions, mais aussi à l'espérance de la promesse du salut. Associé à l'image sombre du serpent, écrasé mangeant de la poussière, brille l'espoir du salut de l'humanité qui apparaît sous la forme d'une prophétie. Même avant les condamnations d'Adam et Ève qui suivront, le Seigneur leur donne l'espérance de la rédemption. Dans Genèse 3 au verset 15, « Oui, ils ont péché. Oui, ils souffriront à cause de leurs péchés. Et oui, ils mourront aussi à cause des péchés. Mais malgré tout, il y a l'espoir suprême, l'espérance du salut. » Comparez Genèse 3 au verset 15 et Romains 16 verset 20, Hébreux 2, 14 et Apocalypse 12 verset 17. De quelle manière le plan du salut ainsi que le grand conflit est-il révélé dans ces textes? Remarquez le parallèle entre Genèse 3 verset 15, Apocalypse 12 verset 17, le dragon, serpent, en colère, hostilité, la postérité, descendance, et la femme en Éden et la femme d'Apocalypse 12 au verset 17. La bataille, le grand conflit, qui s'est déplacé en Éden avec la chute, se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Cependant, la promesse de la défaite de Satan avait déjà été faite en Éden. Sa tête serait écrasée, thème révélé de manière plus explicite dans Apocalypse qui décrit sa ruine finale, Apocalypse 20, verset 10. Ainsi, dès le départ, l'humanité reçoit un espoir. Il y aura un moyen d'échapper à ce terrible chaos qui a découlé de la connaissance du mal, un espoir que nous pouvons tous partager dès maintenant. Pourquoi est-ce si réconfortant de voir que, dès l'Éden, où le péché et le mal ont commencé sur terre, le Seigneur a commencé à révéler le plan du salut? Jeudi 7 avril, la destinée humaine. Lisez Genèse 3 au verset 15 à 24. En conséquence de la chute, qu'est-il arrivé à Adam et Ève? Tandis que le jugement de Dieu sur le serpent est identifié explicitement comme une malédiction, Genèse 3 au verset 4, ce n'est pas le cas du jugement que Dieu rend sur l'homme et la femme. La seule fois où le mot malédiction est employé de nouveau, il ne s'applique qu'au sol, Genèse 3 au verset 17. C'est-à-dire que Dieu avait d'autres plans pour l'homme et la femme qui n'étaient pas ceux du serpent. Ils reçurent une espérance tandis qu'ils n'en reçurent aucune. Puisque le péché de la femme est dû à son lien avec le serpent, le verset qui décrit le jugement de Dieu sur la femme était lié au jugement du serpent. Non seulement Genèse 3 verset 16 vient juste après Genèse 3 verset 15, mais les parallèles entre les deux prophéties indiquent clairement que la prophétie concernant la femme dans Genèse 3 verset 16 doit être lue en lien avec la prophétie messianique de Genèse 3 verset 15. Le jugement de Dieu sur la femme, dont celui sur ses accouchements, devrait donc être compris dans la perspective du salut. Voir 1 Timothée 2 verset 14 et 15. Puisque le péché de l'homme est dû au fait qu'il a écouté sa femme au lieu d'écouter Dieu, le sol dont il a été tiré est maudit. Genèse 3, verset 17. Par conséquent, l'homme devra travailler dur, Genèse 3, versets 17 à 19. Et il retournera ensuite au sol dont il vient, Genèse 3, verset 19, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver et qui ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. Il est significatif que devant cette perspective d'espérance de mort, Adam se tourne ensuite vers la femme où il voit l'espérance de la vie à travers ses futurs accouchements. Genèse 3, verset 20. C'est-à-dire que même dans cette sentence de mort, il voit l'espérance de la vie. Pendant tout ce temps, comme l'aurait fait tout parent aimant, Dieu n'avait voulu que le bien pour eux, pas le mal. Mais maintenant, ils connaissaient le mal. Dieu allait faire tout ce qu'il pouvait pour les en libérer. Ainsi, même dans ces jugements, tout espoir n'était pas perdu pour nos premiers parents, malgré leur désobéissance ouverte et flagrante envers Dieu, alors qu'ils n'avaient pourtant absolument aucune raison, vivant alors dans un véritable paradis, de douter de Dieu, de ses paroles ou de son amour envers eux. Nous avons tendance à penser à la connaissance comme quelque chose de bien en soi, mais est-ce toujours le cas? Quelle chose vaut-il mieux ne pas connaître? Vendredi 8 avril. Pour aller plus loin, réfléchissez au lien entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce lien est toujours sous-entendu par le fait qu'ils étaient tous deux situés au milieu du jardin. Genèse 2 au verset 9. Mais le lien entre ces deux arbres n'est que géographique. C'est parce que les humains ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont perdu accès à l'arbre de la vie et qu'ils ne pourraient plus vivre éternellement, du moins dans cet état, cette condition. Ce lien met en évidence un principe profond. Les choix moraux et spirituels ont un impact sur la vie biologique comme Salomon l'a enseigné à son fils. N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur des jours, années de vie et de paix. Proverbe 3 au verset 1 et 2. Ce lien apparaît dans la Jérusalem céleste à venir, où seul l'arbre de vie est présent au milieu de la grande rue de la ville. Apocalypse 22 au verset 2. Lorsque Dieu créa Ève, il voulut qu'elle ne fût ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais en tout point son égale. Le couple saint ne devait pas avoir d'intérêt en dehors de l'un ou de l'autre dans ses composants. Cependant, chacun avait sa personnalité en pensée et en acte. Toutefois, après le péché d'Ève, le Seigneur lui dit qu'Adam dominerait sur elle parce qu'elle avait été la première à pécher. Elle devait être soumise à son mari, cela faisait partie de la malédiction. Dans bien des cas, cette malédiction a rendu particulièrement lourd le lot de la femme et en a fait de sa vie un fardeau. L'homme a abusé de la supériorité que Dieu lui avait donnée en exerçant un pouvoir arbitraire à bien des égards. L'infinie sagesse a tracé le plan de la rédemption qui offre à notre race une seconde occasion en l'éprouvant d'une manière différente. Ellen White, témoignage pour l'Église, volume 1, page 473. À méditer, Dieu a confronté Adam en Éden en lui posant des questions, non seulement afin d'établir sa culpabilité, mais aussi pour le conduire à la repentance. Ce thème réapparaît avec Caïn, Genèse 4, versets 9 et 10. Le déluge, Genèse 6, versets 5 à 8. La tour de Babel, Genèse 11, versets 5. Et Sodome et Gomorre, Genèse 18, versets 21. En quoi l'idée d'un jugement investigatif se révèle-t-il dans ces événements? Pourquoi Ève pense-t-elle que manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la rendra sage? Comment peut-on éviter dans notre situation personnelle de faire la même erreur, c'est-à-dire de défier ouvertement la parole de Dieu dans l'espoir de quelque chose de mieux que ce que Dieu nous a donné ?